Cheval Blanc et CISM t'invitent à venir fêter les 10 ans du festival Under the Snow du 4 au 9 mars avec le groupe suédois The Marionettes, la chanteuse américaine Marison Adler, le coloré Neve Confit, les New-Yorkais Evan Libby, le Torontois Barzin, la nouvelle sensation Foreign Diplomats, le groupe américain The Multiple Cat et plusieurs autres. Billets passent en vente à l'Oblique, au Atom Art et à la Casa del Popolo. Consulte la programmation sur le underthesnow.ca et sur la page Facebook. Cherchez la place à Montréal pour vous entraîner, nager, pratiquer votre sport préféré? Rendez-vous au CEPSUM. Surtout si vous êtes diplômé de l'UDM, HEC ou Poly, puisque vous profitez d'un rabais de 20% sur tous les forfaits d'abonnement. Renseignez-vous à cepsum.umontréal.ca. Ici Solid, vous écoutez CISM 89.3, La Marge. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission de Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan, on est lundi le 3 mars, en direct des studios de CISM. Oui, donc l'émission de Terminus, c'est quoi? Ben, c'est une émission qui est consacrée au rock indépendant. On va avoir ce soir, parmi les nouveautés, on va y avoir du Perfect Posse, du Cherry Blaster. Non, pas Cherry Blaster, ça c'est les bonbons, je mélange toujours. Cherry Glasser, du Gontard, du Dead Heads également, une nouveauté aussi de Nudvist à la fin de l'émission. On va commencer avec du Everyone Is Dirty, un groupe art rock de la côte ouest américaine. Vous allez voir, ça ressemble pas mal à du Mother ou du Pixies, un peu entre les deux. En tout cas, ils lancent leur premier album ce vendredi et on a déjà eu l'occasion dans les dernières semaines, derniers mois, d'entendre trois extraits de chansons, d'extraits de cet album-là, j'imagine. On va en entendre un, ça s'appelle Mama No, de la formation Everyone Is Dirty. On écoute ça à l'instant. À l'émission Le Terminus. Don't leave me all alone. We'll be right back. Driver Perfect Posse, le groupe qui va lancer, quand donc? Il va lancer le 18 mars son premier album sur Capture Tracks Records, un album très attendu. Il y a une grosse hype autour du groupe depuis quelques mois. Ils étaient d'ailleurs de passage à la Casa del Popolo en spectacle en janvier dernier, un spectacle qui était complet, il me semble. Et le titre de cet album-là, ça va être Say Yes to Love, donc Perfect Posse, album apparaître bientôt. Et on a entendu une chanson qui se retrouve sur cet album-là. Assez rentre-dedans, on peut le présumer. Juste avant, c'était Technicolor Teeth et la chanson Sage, qui est le titre qui ouvre leur premier album à eux aussi, qui sort demain en format cassette sur le label Accident Guest. Et ben, c'est un album qui est déjà en écoute là, sur SoundCloud, donc j'ai déjà l'écouté à quelques reprises cette semaine et je peux vous dire que c'est un album qui s'annonce assez bon. En fait, si vous aimez le noise pop, là, c'est vraiment quelque chose que vous devrez écouter, le nouvel album de Technicolor Teeth. On va continuer avec Cherry Glazer avec deux R à la fin. On va entendre la chanson White's Not My Color This Evening. On écoute ça à l'instant sur les ondes de CISM. Thank you. révolution est une salope. J'y ai cru, Jack, nous y avions cru, rien à perdre. Quoi qu'on en dise, une occasion manquée ne se retrouve jamais. La révolution, vas-y, rentre-lui dedans, pète son petit ventre et tu verras, c'est soit vite, soit tout mou dedans. Prolétaires de tous les pays, caressez-vous et cassez-vous. N'attendez plus le grand soir, il rencontre cette qui reste tôt. La révolution est une salope qui en a consumé des hommes. Un bouclet de cul, toujours un poil d'esprit. Comme ces grands monarques qui envoyaient tout le monde au casse-pipe. La révolution, elle est inhumaine, elle nous dit qu'on a encore trop à perdre, puis elle nous laisse au 06 à faire tourner des tours comicaux. La révolution nous dit bonsoir, ne prends pas froid, Inch'Allah. La révolution est une salope, j'ai cru, Jack, nous y avons cru, rien à perdre. On se disait rien à perdre. Et pourtant. Yeah. leur album Chairs Missing qui paraissait en 1978. C'était la formation post-punk anglaise Wire avec la chanson Mercy. Vous avez aussi entendu dans les dernières minutes Gontard avec Revolutionary, une chanson qui se retrouve sur le volume 2 de la compilation française La Souterraine, qui est la responsabilité du label Almost Records. Il semblerait qu'il y a déjà un volume 3 qui s'en vient dans les prochaines semaines. Et ben c'est ça. On écoute maintenant du Tiger Club. Leur premier mini-album est sorti l'automne dernier, un mini-album qui s'appelle Tiger Club. C'est un bon choix. On écoute la chanson Mother. Et ensuite, ce sera un groupe local, Alf Baked, avec la chanson Vieux renard trop souvent piégé. Tout ça sur les ondes de CISM, le 89.3, l'émission Le Terminus jusqu'à 20h. Yourself, exploiter le glorier. Dieu renard trop souvent piégé. Dieu renard trop souvent piégé. Fait des amis gros sur le gros du fermier. Dieu renard trop souvent piégé. C'était pas du vieux Smashing Pumpkins, mais plutôt Carousels, un groupe américain qui, aux dernières nouvelles, n'existe plus. En fait, ils ont seulement existé 2 ans. Ils ont sorti en décembre 2012 un mini-album qui s'appelle Pop. Et après ça, plus rien. Pop, c'était fini. Oh, désolé pour la blague. On a entendu la chanson Sweet Honey, donc, de Carousels. Et c'était précédé de Half-Baked avec Vieux Renard, trop souvent piégé. On a commencé le segment avec Tiger Cub et la chanson Mother. On va continuer avec un duo canadien. On va entendre dans les prochaines minutes David and the Woods avec Terra Destruction. On commence à l'instant avec un groupe de Vancouver, Village, et le titre, la chanson Nowhere, à l'émission Le Terminus. Que le Brésil magnétique sans en là envahir l'existence pragmatique. De son album David et les bois qui sortait l'automne dernier, c'était David and the Woods avec Terra Destruction. Et si vous voulez le voir en spectacle, David and the Woods sera en formule solo le 11 mars à l'Escalier, une salle que je connais pas, mais qui est au 552 Sainte-Catherine-Ouest, au métro Bérucam. Il semblerait que c'est... on entre à travers ou entre les deux vitrines de la maison de la presse, donc en face de la place Émilie-Gamelin, donc pour ce spectacle-là. De David and the Woods à l'Escalier. Et ben avant ça, c'était la formation de Vancouver, Village, avec Nowhere, une chanson qui remonte à 2012. On va continuer avec des Australiens qui disent faire du hippie grunge. Ils sortent un album dans quelques jours qui s'appelle For the Sake of Sanity and Good Vibes. On écoute la chanson Power Tripping de The Deadheads. We'll be right back. ça venait de loin, ça. C'était Bird Skulls avec Allegory. Une chanson qui se retrouve sur un 7 pouces qu'ils ont sorti cette année avec la formation Bloody Nails sur le label anglais Art is Hard. Et ben c'est ça. Restez à l'écoute dans quelques instants. Romane Louin sera là avec l'émission. Nous sommes les rockers et encore une fois ce soir, elle a des invités avec elle dans quelques minutes. Sinon, ben, la liste des chansons qui ont tourné pendant l'heure se retrouvera dans quelques instants sur le CISM893.ca. Il y a également les archives de l'émission sur leterminus.ca. On va se quitter avec la formation de Nordvist qui sortent leur premier album en 6 ans. Ces jours-ci, je pense que c'est sorti la semaine dernière. Enfin, dans tous les cas, ils seront en spectacle le 11 juin prochain à la SAT à Montréal. Et c'est ce qu'on va entendre dans les prochains instants, la chanson 7-Hour Drive de Nordvist. Je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle lundi prochain, 19h pour Le Terminus. Ciao!